en détruisant progressivement nos systèmes de solidarité et de santé publique au profit des politiques néolibérales, l'État a rendu possible cette crise sanitaire. Face à son ingérence dans la gestion de l'épidémie au détriment des classes populaires et au profit des marchés, l'auto-organisation d'une solidarité populaire s'est présentée comme une nécessité politique. De ce constat sont nées les brigades de solidarité populaire. Dans l'objectif de mettre en place l'autodéfense sanitaire, les brigades de solidarité populaire nantaises proposent de développer progressivement, collectivement et loin des politiques publiques, des pratiques d'entraide dans le respect strict des consignes sanitaires. Ce projet se veut unitaire sur le plan politique local, mais aussi participatif et ouvert au-delà de nos réseaux militants. Plus de 40 brigadistes construisent donc ensemble leur outil d'organisation et se forment réciproquement sur le plan sanitaire et politique. Ainsi, à Nantes, des permanences solidaires sont mises en place pour récolter des dons qui aident à la réalisation de nos actions de solidarité. Il s'agit pour l'instant de distribuer des paniers repas aux personnes sans domicile, des colis alimentaires et sanitaires aux personnes les plus précarisées, et bientôt du matériel de protection sanitaire aux travailleurs et travailleuses précarisées surexposées au virus. La désertation des rues et la réduction des activités humanitaires locales isolent durablement les personnes à la rue qui se retrouvent d'autant plus exposées à la violence de la police. Une attention particulière des brigadistes est d'ailleurs donnée au fait d'observer et de rendre compte des pratiques des forces de l'ordre et de la manière dont s'organise la répression dans le cadre du confinement. L'objectif est aujourd'hui de penser ensemble l'après-confinement et de transformer ce rapport de force sanitaire en un rapport de force conflictuel dans une perspective révolutionnaire. Aux politiques néolibérales, opposons la solidarité populaire. Seul le peuple sauve le peuple. Les brigades de solidarité populaire, non. Alors du coup, on va parler de brigades populaires aujourd'hui, les brigades de solidarité populaire à Nantes, mais c'est quoi ? Les brigades de solidarité populaire, c'est un groupe avec plein de personnes différentes qui s'est monté face à la crise du coronavirus qui creuse encore plus les inégalités ou du moins qui les rend encore plus visibles et encore plus fortes que ce qu'elles ne l'étaient déjà avant. Et du coup, l'idée, c'était que la solidarité, elle s'organise par le peuple, pour le peuple. Et ouais, l'idée c'est d'organiser des trucs pour les gens, de pouvoir filer des coups de main, tout ça. Et du coup, est-ce que c'est une association ? Ça vient d'où et ça s'est monté comment ? C'est pas une association, c'est un groupe. Je pense qu'il y a volonté à ce que ça soit quelque chose d'assez autonome, que ça s'organise pas avec des structures étatiques. Enfin, en tout cas, que la solidarité elle soit faite par le peuple et pas par des structures qui sont étatiques et qui répondent pas forcément aux besoins des gens ou qui sont pas vraiment à l'écoute et qui sont vraiment dans une idée de charité alors que nous c'est pas ce qu'on cherche à faire et pas non plus un truc où on se met en avant et pas un truc où on fait des distributions à la chaîne sans prendre le temps de discuter avec les gens. Du coup c'est les Italiens qui ont lancé ça en premier, ça vient de Milan à la base. Il existe beaucoup de brigades comme ça ? Il y en a 49. Je sais pas si je vais toutes les citer, mais il y en a en Italie. Il y en a en Suisse, il y en a une à Genève, il y en a une à Bruxelles, il y en a une à Paris, il y en a une à Nantes, il y en a une à Troyes. Et puis, on peut dire un peu, nous, en termes de brigadistes, on est une quarantaine en tout, dans les brigades à Nantes. À Paris, je crois, ils sont peut-être 650, quelque chose comme ça. Donc pas de l'humanitaire, pas de l'associatif, mais du coup ça se situe comment politiquement et comment ça fonctionne en termes d'organisation ? Je pense que politiquement parlant, on est tous un peu de bords différents. Je pense qu'il y a autant des anars que des communistes, que des autonomes. En tout cas, j'ai l'impression à Nantes c'est le cas. Peut-être il y a sans doute une ligne communiste qui transparaît dans la communication et dans les choses comme ça, mais il n'y a pas de truc maoïste ou je sais pas quoi. Il n'y a aucune affiliation à un parti, il n'y a aucune affiliation à un quelconque leader. Il n'y a pas de On est assez libre de ce qu'on fait dans les brigades. Sur le système d'organisation, plutôt, nous, on fonctionne effectivement avec une conversation où les décisions, elles sont laissées à toutes et toutes. On discute ensemble. Alors, c'est pas toujours facile de discuter avec 40 personnes. mais en vrai, je pense que l'idée, c'est vraiment que chacun et chacune puisse se sentir à l'aise, se réapproprier la chose, être acteur, proposer des initiatives. Parce qu'en fait, je pense que c'est comme ça que aussi on casse un peu le côté humanitaire. Alors c'est sûr que forcément, de fait, dans les actions qu'on mène, il y a un petit bout d'humanitaire. Mais on fonctionne pas en se disant il y a des chefs et il y a des bénévoles. Et plutôt, l'idée c'est qu'on est tous et toutes des brigadistes et qu'on s'auto-organise ensemble avec les moyens qu'on a. Concrètement, du coup, c'est quoi que vous faites ? Eh ben, je pense que c'est un peu différent pour chaque brigade, mais nous, à Nantes, ce qu'on fait concrètement, c'est des maraudes. Du coup, on va dans la rue donner des repas qu'on a préparés au préalable aux gens qui sont dehors. Et on essaye de quand même de se dire que bah, c'est pas parce que les gens ils sont à la rue en fait qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des choses qui sont qualitatives. Et du coup, on essaye de faire de la bonne bouffe. Et puis, on fait aussi des colis alimentaires. Et du coup, pour les familles qui sont en situation précaire, enfin qui galèrent de ouf, on apporte des denrées alimentaires qu'on récupère à l'aide de nos permanences. Et du coup, on fait des permanences. Donc on en fait dans deux lieux pour l'instant, deux fois par semaine pour chaque lieu. Il y en a une le lundi et le jeudi à B17, 17 rue Paul Bellamy, de 16h à 19h. Et il y en a une au Gazprom de 16h à 19h également le mardi et le vendredi, 24 rue Fourré. Du coup, nous, ça, c'est les activités principales qu'on fait à Nantes. Mais dans d'autres villes, il y a d'autres choses qui se passent. Notamment, je crois qu'à Paris, il y a une brigade de solidarité d'éducation populaire qui s'est montée. Il y a 466 heures d'heures de pédagogie. Et du coup, qui est du soutien aux élèves qui ont des difficultés scolaires. Je peux aussi dire un peu les chiffres. Du coup, en tout, les brigades de solidarité populaire, donc les 49 brigades de solidarité populaire qui existent, on est le lundi 27 avril et il y a eu 1111 gels qui ont été distribués et qui ont été produits par les gens. Il y a 104 203 masques qui ont été distribués. Et des gants également aux personnes les plus précaires et les plus exposées. Il y a 12 218 colis alimentaires qui ont été apportés au domicile des gens qui galéraient. Et puis 10 827 repas qui ont été distribués, des repas chauds ou des repas froids aux personnes qui sont dans la rue ou dans le besoin. Et voilà, c'est ce qui a été fait en à peu près un mois et demi, parce que je pense que... Nous, à Nantes, ça a commencé à se monter au début du mois d'avril. Et du coup, je pense qu'en Italie, ça a commencé 2-3 semaines avant. On peut parler aussi de ce qui est prévu pour le 1er mai. Ouais. Pour le 1er mai, nous, à Nantes, ce qui est prévu, c'est de faire une distribution massive de masques auprès des livreurs et livreuses à vélo, donc pour tout ce qui est truc délivre. Parce que c'est les personnes qui se retrouvent ultra précarisées par la situation et que bah, elles sont grave en contact avec plein de gens, que bah, on le sait, ces sociétés qui embauchent les gens ne leur fournissent strictement en rien, puisque c'est déjà pas joujou habituellement. Et puis il y a un appel également à ce que ça soit une banderole partie, que tous les gens des brigades affichent des banderoles à leur balcon, tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre ? Eh ben, pour nous rejoindre, il suffit d'envoyer un petit mail à brigade en petites lettres populaire-du-6 nantes@protonmail.com. Dans ce mail, vous n'avez pas spécialement besoin de donner votre identité ou votre adresse, juste il y a besoin d'un blaze ou d'un prénom comme vous avez envie, et puis du quartier dans lequel vous vivez, puisque l'objectif des brigades de solidarité populaire, c'est de s'organiser par quartier. Et après, plusieurs informations, c'est qu'on a un numéro de téléphone. Du coup, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans le besoin pour les colis alimentaires. On en fait 15 par semaine parce que, bah voilà, vu qu'on n'est pas une association et qu'on n'a pas le budget que ces associations ont, on n'est pas en mesure d'en faire plus. On essaye de faire au mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de nous faire plus de dons, peut-être ça nous permettra de faire plus de colis alimentaires. Du coup, on a un téléphone pour les personnes qui ont besoin de colis alimentaires qui est le 07 58 58 12 71. Et puis également, on a une petite cagnotte qui est sur le pot solidaire et qui s'appelle Cagnotte Brigade de Solidarité Populaire tiré du 6 Nantes. Brigade avec un petit S. Si vous avez envie de rejoindre, que vous n'êtes pas dans un esprit humanitaire et je veux faire mon petit sauveur, et ben, y a pas de souci, c'est ouvert à tous et à toutes. Et y a toujours besoin de monde et toujours besoin d'idées ou de bras, d'envie. Ouais, bah c'est cool, merci.